toujours conseillé faire. C'est en speed qu'on fait nos affaires. Y'en a même des plus rapides que l'éclair. On se passe des préliminaires. Et si ça dure, tant mieux, elle va nous faire une réputation de Jupiter. Le meilleur des amants vivant sur la terre. Mais c'est faux. Complètement faux. La vérité, c'est que le jour arrive où l'on rencontre l'amour et ce jour-là faut assurer. La vérité, c'est qu'on découvre qu'on ne sait faire l'amour, que son plaisir primait sur l'être désiré. La vérité, c'est qu'on se sent très con quand on veut vite et qu'elle nous commande d'aller doucement. On se laisse aller et laisse en fierté. Dis-moi ce que t'attends, je veux apprendre pour te combler. Sur moi elle dansait trop bon, j'ai appris d'elle, j'ai kiffé trop bon.